Je sais plus si je dois rester un gars bien entre le bâtard qui veut ma part ou celui qui veut ma poitre, ou bien passer la bague, Mardès qui veut la bague. Ma mère se mettra à pleurer si je deviendrai un schlag. Non, j'ai pas attendu qu'on me condamne pour comprendre que des vrais potes t'en as pas une centaine. De nos jours la confiance a pris les bagages, la méfiance est de retour, y'a presque plus de partage. Qu'est-ce que je veux qu'on fasse, on sait tous qu'on est que de passage. Le qu'il te l'a dit, on défonce tout, même les barrages. Sans la foi, l'homme ferait un carnage. Mais l'éternel nous a prévenu du bazar actuel. C'est dommage qu'on soit confronté à un tas de questions, comme ce jeune boss qui capte que ça tombe pas rond. Je poursuis ma roue du droit chemin. Viens, je sais c'est par où beaucoup de nos frères sont morts, mais à quel tarot. On sait plus quoi penser, sur quel pied danser. Des pensées condensées, enfin bref c'est censé. On sait plus par quoi commencer, pourquoi le mal nous attache et pourquoi l'amour des tiens s'est distancé. Tu sais plus, et c'est comme une patate dans l'abdomen, ça essouffle. On respire plus à part leur acte commettre, on sait si peu. Et dans ce monde tu deviens d'Artagnan, on hésite qui peut. À grande échelle, on est que des acariens. Je sais plus, d'ailleurs non plus, par où commencer. Chaque jour c'est dur, crois pas que la vie on va la romancer. Faire des études, étant plus jeune on me l'avait conseillé. La conseillère me tue quand elle me parle, je me sens handicapé. Sale pute, je trace ma route en cuisine CAP. Je commence à faire du son et je prends des leçons de vie sur Bouscapé. Dans les doutes de l'existence, du savoir qui l'on est. La bêtise de Darwin, c'est comme de dire qu'on fait des deals honnêtes. Va savoir, ils font du peur même sur le choléra. Qu'on est des vaches chalées, tu me demandes pourquoi je décolère pas. Tous les soirs, c'est la même pour s'endormir. Du coup je vois peu le jour, je voyais déjà mal mon avenir. Ils font des crises de foi. Vu que la vie les a saoulés, à force d'être à cheval, on finit tous désarçonnés. Des bêtes de foire, c'est ça qu'ils veulent nous faire passer. On essaye de rester calme, bien qu'on ne sait plus quoi penser. On sait plus quoi penser, sur quel pied danser. Des pensées condensées, enfin bref c'est censé. On sait plus par quoi commencer, pourquoi le mal nous attache et pourquoi l'amour des tiens s'est distancé. Tu sais plus, et c'est comme une patate dans l'abdomen, ça essouffle. On respire plus à part leur acte commettre, on sait si peu. Et dans ce monde tu deviens d'Artagnan, on hésite qui peut. À grande échelle on est que des acariens. Je sais ce que c'est la peine, je vis c'est quoi la mort. Toi t'es bercé par la haine, sais plus c'est quoi l'amour. Sais plus c'est quoi la joie, tu connais que les larmes. Tu connais plus le dialogue, ouais tu connais que les armes. Sais plus c'est quoi le plaisir d'embrasser sa mère. Je connais la peur, les crises d'embrasser sa mère. J'sais plus c'est quoi le désir, hein. J'fais plus l'amour, j'pèse. J'ai vu c'est quoi de moisir d'embrasser sa merde. J'ai vu des sales visages écrits par l'alcool. J'ai vu des braves, des schlags finir par la tôle. Dis-moi c'est quoi le message, hein. Nos vies sont pas les vôtres. À force d'être sage, on finit par la faute. Regarde, c'est ça la France, où tu marches ou tu crèves. Ils nous font vivre un cauchemar et veulent nous vendre du rêve. On marche plus dans leur combine, on mord plus à l'hameçon. L'état oui même, où je le pine, ouais j'ai compris la leçon. On sait plus quoi penser, sur quel pied danser. Des pensées condensées. Enfin bref c'est censé. On sait plus par quoi commencer, pourquoi le mal nous attache et pourquoi l'amour des tiens s'est distancé. Tu sais plus, et c'est comme une patate dans l'abdomen, ça essouffle. On respire plus à part leur acte commettre, on sait si peu. Et dans ce monde tu deviens d'Artagnan, on hésite qui peut. À grande échelle on est que des acariens.